Caprice de lecture sur Fadjet, animé par Sarah. Bonjour à tous, bienvenue dans Caprice de lecture, nouvelle édition de cette émission littéraire que je vais consacrer aujourd'hui non pas à un auteur, non pas à un illustrateur ni une maison d'édition, mais à Samuel qui est collégien de 14 ans au collège de Pulnois. Bonjour Samuel. Bonjour Sarah. Je suis ravie de te recevoir. Donc tu es en stage dans les studios de la radio Fadjet. Et puis du coup, on va en profiter pour discuter un petit peu de quels sont tes choix littéraires et puis un petit peu de ce qui se passe autour de toi avec les livres. Alors Samuel, je vais te poser 4 questions auxquelles tu pourras bien évidemment répondre en fonction de ce que tu aimes. Et puis tu termineras peut-être par un livre coup de cœur que tu as lu peut-être récemment et que tu as envie de partager avec les auditeurs de Fadjet. Alors Samuel, donc première question, comment t'es venu le goût de la lecture ? J'ai toujours aimé lire. Ok. Depuis que j'ai essayé de lire, j'ai toujours lu, donc c'est vraiment quelque chose... C'est pas venu progressivement quand t'as... Non, voilà, t'as toujours aimé te mettre dans les livres. D'accord. Voilà. Alors... Justement, parce que les ados de ta génération lisent, pour ceux que je connais, essentiellement des mangas. Est-ce que toi aussi, tu lis des mangas? Et si oui, est-ce que tu peux nous donner quelques titres de mangas que tu pourrais peut-être citer ici? Alors, je lis quelques mangas. Je lis Naruto, par exemple. Ouais, un des plus connus. One Piece aussi. Ok. Connu. Ouais. Black Clover aussi. D'accord, donc ça, c'est des séries assez connues que tes copains connaissent aussi. Oui. Ah oui, et est-ce que tu lis un petit peu de romans? Oui, je lis même beaucoup de romans. Tu lis beaucoup de romans? Alors ça, c'est assez rare chez les adolescents. On a beaucoup d'adolescents qui lisent de la BD, du manga, et dès qu'on leur parle de romans, même s'ils ont aimé lire un peu plus jeune, et il arrive un moment où ils n'aiment plus. Donc c'est super, parce que ça veut dire que tu changes aussi un petit peu de style littéraire. Caprice de lecture marque une pause et revient tout de suite après ce titre choisi par Samuel, c'est Gorillaz avec Dirty Harry. De retour sur Fadjet dans la suite de l'émission Caprice de lecture, Sarah reçoit Samuel. Caprice de lecture sur Fadjet. Si tu avais un roman préféré, ce serait lequel ? Alors moi, récemment, j'ai lu le livre Voix d'extinction de Sophie Naf. Ouais. Donc c'est notre monde dans 50 ans à peu près, en 2050 je crois. Ouais. Et qui a été complètement ravagé par la chasse. Et c'est déesse au lieu de dieu, okay. Qui décide d'envoyer des, des animaux sous forme humaine sur Terre pour aller plaider leur cause auprès des humains. D'accord. Les animaux ne sont pas habitués au comportement humain, alors ont quelques problèmes, mais réussissent quand même à battre le lobby de la chasse. Ouais. Et voilà. Ok. Donc c'est du Sophie Hennaff. On est plutôt sur une littérature quasi adolescent. Hein. C'est plutôt adulte. Donc c'est quand même ça. Démontre quand même une certaine maturité dans la maîtrise de la lecture et du niveau de difficulté que ça peut avoir. Avant la troisième et dernière partie de l'émission Caprice de lecture avec Sarah et Samuel, la deuxième pause musicale, c'est Muse avec Knights of Cydonia. We'll be right back. pause sur Fadjet dans l'émission Caprice de lecture et tout de suite la dernière partie de l'émission Caprice de lecture. Sarah reçoit aujourd'hui Samuel. Est-ce que tu peux nous donner un coup de cœur, Samuel, que tu as eu il n'y a pas longtemps? BD, manga, roman, tout ce que Celui-là. Celui-là, Sophie et Naf. Voilà. Ça t'a vraiment marqué? Oui, j'ai beaucoup aimé. Ouais. J'ai bien aimé les Harry Potter quand j'étais plus jeune. Ah oui, Harry aussi. Potter, mais tout le monde les a lus, les Harry Potter. Bah oui. Est-ce que tu as lu des livres? Alors, parce que moi, j'en connais quelques-uns. Il y en a un que je connais essentiellement pour les ados, que je pourrais te conseiller, mais qu'on aussi, on peut conseiller aux auditeurs. Ça s'appelle « La pire soirée de ta vie ». Mmh. Alors, « La pire soirée de ta vie », c'est un livre qui est quand même assez conséquent en volume. Mais en fait, le livre commence, c'est une bande de jeunes ados, très grands ados, parce qu'il y en a un qui conduit une voiture. Ils sont invités chez un copain à faire une soirée d'Halloween. Et à l'adresse qu'on leur a donnée, c'est un espèce de vieux manoir. On imagine un peu, hein, un peu comme dans les chairs de poule, oui. Un espèce de vieux manoir comme ça, avec les portes qui grincent. Il n'y a personne à l'extérieur, il y a un peu de lumière à l'intérieur. Et en fait, c'est un livre où, par exemple, donc ils descendent de la voiture, tout ça, et où on te dit, ben, par exemple, si tu souhaites rentrer dans la maison, va à telle page. Si tu souhaites rester dans la voiture, va à telle page. Et ce qui est très intéressant dans ce format, c'est qu'il y a plusieurs issues possibles. Oui. Et on peut le reprendre plusieurs fois, l'issue sera toujours différente. Et je pense que c'est des livres, c'est un peu des livres... pour les plus anciens d'entre nous, qui était un peu le livre dont vous êtes le héros, qui était plutôt intéressant parce qu'en fait, la fin n'est jamais la même en fonction de ce qu'on choisit au milieu. Voilà. Merci Samuel de nous avec avoir plaisir. Accordé cette petite interview. Bonne fin de stage merci. À Fadjet. Je sais que tu entres très bonnes mains. Et puis à bientôt. À bientôt. Au revoir Samuel. Au revoir.